soir à 20h, l'Orient s'embrase et le sud est incendiaire. Et ce n'est pas la rue qui gouverne, il l'a dit, et la rébellion est matée. Pourtant, c'est en train de se faire, alors que c'est en train de se taire avant qu'on nous enterre. Ne laissons pas la fièvre tomber. Le monde libre sauve les pays pétroliers, mais la ligne paraît occupée. Depuis Berlin fait des émules et l'Europe proteste, car les miradors tuent. Le brasier couve sous la mer, et c'est dans notre gueule qu'il va péter. Le vieux continent coule et dans sa chute, il va nous entraîner. La presse est encore un baron qui dicte les lois. Et le feu d'artifice éveille en moi les volants du passé. Les anciens serviteurs du public descendent dans la rue parader. Et le gouvernement attend, mais sans bouger de là. L'opinion est à genoux, mais ne semble pas vouloir se lever. Va sans dire que nous sentons pas concernés. Le monde passe au rouge quand la bourse vire au vert. On préfère la sécurité.